Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant l'heure de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Notre intérêt aurait pu se porter sur le chat Felix familiaris, le rat Rattus rattus, ou le lapin Oryctolagus cuniculus. Nous leur avons préféré un animal plus noble, peut-être le plus majestueux des animaux, celui par qui Buffon ouvre son histoire naturelle en évoquant la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite, celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats, aussi intrépide que son maître. Peut-on faire une archéologie du cheval? Que sait-on de cette créature? Par chance, il est objet d'étude pour les archéologues, mieux, les archéozoologues. Pour preuve, la revue Archéopage vient de lui consacrer tout un numéro. Pour tout savoir sur la bête, aimée, domestiquée, mangée, mais aussi fouillée, je me suis rendu au Muséum National d'Histoire Naturelle, dans le bureau même de Georges Cuvier, pour y rencontrer Sébastien Lepetz et Benoît Clavel, chargés de recherche au CNRS. Sébastien Lepetz, le cheval, le meilleur ami de l'homme, a-t-il toujours eu ce statut tout à fait à part ? Oui, meilleur ami de l'homme, probablement avec d'autres espèces comme le chien, et un statut à part, d'abord parce que c'est l'un des rares animaux qui rit, hein, pour reprendre des propos qui ont été introduits par François Poplin, et puis surtout parce que finalement c'est un animal qui a un statut très particulier puisqu'il a été très tardivement domestiqué par l'homme. Il y a plusieurs milliers d'années, plus de 10 000 ans entre les premières domestications animales qui ont eu lieu quelque part en Eurasie par la domestication du loup, en fait la domestication du chien autour de peut-être 17 000 ans avant notre ère, et puis la domestication du cheval qui arrive bien après, peut-être autour de 5 000, 5 500 ans, donc près de 10 000 ans. Et en cela, le cheval a vraiment un statut particulier. Malgré un tout petit cerveau ? Malgré un tout petit cerveau, c'est vrai que la taille du cerveau du cheval est particulièrement faible. Certains disent que justement, par rapport à d'autres espèces comme les bovins, par exemple, une grande partie de ses capacités cérébrales est destinée à la course, à la fuite. C'est un animal qui, naturellement, a une propension à fuir devant l'homme, qui est très peureux. Donc, effectivement, certains ont tendance à reconsidérer un petit peu le statut de cet animal et à envisager le fait qu'en fait, il n'est pas si proche de l'homme, parce que justement, il a l'intelligence que certains considèrent comme moins importante que ceux du chien ou des bovins. Où et quand le cheval aurait-il été domestiqué ? Alors ça, c'est un gros problème. C'est un problème qui est débattu depuis pas mal de temps, justement parce qu'il est difficile de mettre en évidence la domestication du cheval. Ça a dû avoir lieu quelque part en Ukraine, quelque part sur les plaines d'Eurasie, au Kazakhstan. On ne sait pas exactement où, et probablement vers 3500 ans avant Jésus-Christ, il y a à peu près 5500 ans, avec une possibilité, et ça qui est bien montré maintenant par la génétique, qui est celle de plusieurs foyers de domestication. Un premier foyer de domestication donc autour de ces années-là en Asie centrale, et puis d'autres foyers de domestication. Et on parle depuis quelques temps d'un autre foyer de domestication dans la péninsule ibérique, en Espagne, peut-être vers 2500 ans, à partir de la même souche équine, du même cheval, mais à un moment différent. Donc en fait, on reste encore à définir exactement quand l'animal a été domestiqué. Globalement, on a une date, mais on ne saura pas dire exactement à tel endroit, dans telle vallée. Il y a des sites qui sont candidats pour l'origine de cette domestication, Botaï, au Kazakhstan, des choses comme ça. Mais concrètement et précisément, c'est encore très difficile à le dire. Que ce soit dans l'Altaï ou que ce soit en Espagne, quel est le contexte socio-économique de ces sociétés qui vont se mettre à domestiquer le cheval ? Alors on est sur des sociétés de l'âge du bronze, qui livrent des vestiges osseux animaux, qui, à l'évidence, permettent de définir le fait que ce sont bien des chevaux domestiques et plus des animaux sauvages, comme on retrouve sur des sites plus anciens, néolithiques, paléolithiques. On trouve le cheval, bien sûr, mais le cheval sauvage, qui vit en Eurasie. Mais à partir d'un certain moment, à l'âge du bronze, on perçoit des indices qui montrent que l'animal a dès lors été domestiqué 5, 6 000 ans après le bœuf, après le mouton, après la chèvre. Pourquoi est-ce si difficile de prouver la domestication du cheval? On n'aurait, par exemple, aucun changement dans l'anatomie? Voilà, il s'agit bien de ça, c'est qu'en fait, contrairement au porc, hein, dont l'ancêtre sauvage est le sanglier, au mouton, à la chèvre, qui voient leur taille diminuer à partir du moment où ils ont été domestiqués rapidement, hein, puisqu'il y a un appauvrissement génétique, et puis le maintien en captivité fait que les animaux voient leur taille diminuer, et bien le cheval, lui, ne voit pas tout de suite sa taille diminuer. Autrement dit, rien ne ressemble plus à un squelette ou un os de cheval sauvage, un squelette ou un os d'un cheval domestique. Et donc du coup, il faut pour ça utiliser d'autres moyens que la simple observation et analyse morphoscopique pour déterminer que on est en présence d'animaux ou de restes osseux animaux sur ces sites-là qui proviennent d'animaux domestiques. En l'occurrence, les indices qui peuvent nous amener sur ces sites d'Asie centrale à déterminer que l'animal est domestique, ça peut être par exemple des traces particulières sur les dents, les traces de mort par exemple, qui peuvent user une des faces des premières prémolaires, en l'occurrence la prémolaire 2, donc la première dent de la bouche de l'animal, qui montre qu'il a porté un objet dans sa bouche et qui est des petites rayures, une usure particulière permet de montrer que l'animal a été domestiqué. Mais c'est pas suffisant. On peut par exemple aussi regarder quelle est la structure d'âge des animaux dont on retrouve les ossements, pour savoir s'il y a une sélection d'âge, si on retrouve plus de jeunes ou plus d'âgés, si c'est une structure d'âge caractéristique d'une chasse ou d'un élevage, qui vont nous permettre de voir, de percevoir une stratégie d'élevage, une stratégie d'abattage qui n'est pas celle que l'on rencontre dans le cadre des sociétés chasseurs qui vont abattre les animaux qui vont se présenter ou pas d'ailleurs. Ensuite, on peut observer d'autres choses, des pathologies spécifiques sur certains os. On peut regarder si le maintien en captivité a créé des exostoses, des fragilités osseuses, ou si, par exemple, dans le cas des chevaux montés, des excroissances osseuses s'observent sur les vertèbres thoraciques ou lombaires, hein, donc sur le dos, qui montrent que il ne s'agit pas d'animaux sauvages, mais qu'il s'agit d'animaux qui ont été utilisés par l'homme et donc domestiqués. Puis enfin, dans certains rares cas, comme à Botaï, par exemple, au Kazakhstan, des analyses chimiques dans des poteries ont permis de mettre en évidence des résidus organiques qui correspondraient en fait à du lait de jument et qui, du coup, de fait, nous permet d'envisager que les juments que l'on a traits étaient bien des animaux domestiques. Vous me disiez qu'il n'y avait pas de différence morphologique entre l'animal sauvage et domestiqué, mais n'est-ce pas le cas de nombreux animaux de la sorte? Par exemple, le chameau ne varie pas non plus. Oui, effectivement, ça fait partie des espèces comme le chameau, dont les variations morphologiques s'observent tardivement. C'est d'ailleurs là que se pose le problème, hein, et ce sont des problèmes qui ne se posent pas pour les autres espèces. Mais effectivement, voilà, ça fait partie de la difficulté de faire la distinction entre un animal domestique et son ancêtre sauvage, mais qui vit dans la même région et qui présente des caractéristiques morphologiques absolument similaires. Toujours est-il que peu à peu le cheval domestique va partir à la conquête du monde, ou du moins devrait-on dire de la partie septentrionale de l'ancien monde. Voilà, absolument, à partir du moment où le cheval est domestiqué, alors il faut envisager que on peut envisager le fait qu'il y ait une double domestication, c'est la première domestication qui consiste finalement à s'approprier l'animal sauvage, à le maintenir en captivité, à le garder, peut-être pour sa viande. Donc ça, c'est la première domestication. La deuxième domestication intervient finalement plus tard, 1000 ans après, où là apparaissent les premiers chars à roues creuses, hein, donc, et puis les premiers indices de monte du cheval. Et là, on est 1000 ans près, on est vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est la deuxième domestication. Et puis effectivement, donc cette domestication du cheval, à partir du moment surtout où l'homme a perçu l'intérêt d'utiliser cet animal pour se déplacer, ce qui n'était pas forcément le cas au début, hein, il a pu être domestiqué pour toute autre chose, hein, pour sa viande, pour des questions religieuses, et bien à partir du moment où l'homme l'a utilisé pour se déplacer, et bien il y a eu une diffusion dans les parties occidentales de l'Eurasie, avec peut-être des croisements avec d'autres souches sauvages. Alors il y a eu d'abord le chien, ensuite la chèvre, le mouton, la vache, mais pourquoi le cheval si tard ? En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que c'est un animal qui n'est finalement pas si facile à domestiquer que ça. Je pense que la taille de l'animal, la difficulté de sa capture. Hein. Et puis aussi, il y a la raison pour laquelle on est susceptible de domestiquer un animal. Ça peut être la volonté de s'accaparer, de s'attribuer le sauvage, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a une volonté, je dirais, qui n'est pas forcément de type alimentaire, qui consiste à vouloir domestiquer... On voit actuellement les nouveaux animaux domestiques. Hein. Il n'y a pas forcément de volonté de produire de la viande ou du lait quand on domestique un boa ou un animal de ce type. Je pense qu'on a domestiqué avant tout des espèces que l'on pouvait utiliser, qui fournissaient de la matière première, de la viande, du lait, de la laine, et que finalement, dans un premier temps, on le voit très bien, le cheval a été surtout chassé pour sa viande, et probablement qu'il a d'abord été domestiqué pour sa viande, mais finalement, la difficulté de sa domestication faisait que finalement, c'est les autres espèces qui étaient plus faciles à domestiquer qui l'ont été. On est probablement devant ce type. Et puis, il y a une réelle difficulté à domestiquer le cheval. Hein. C'est un animal qui a une distance de fuite qui est très importante, hein, qui ne se laisse pas approcher, hein, sauf si vous lui apportez de quoi manger, parce que c'est un animal qui est très gourmand, donc je pense que le début de la domestication a dû s'opérer de cette manière-là avec lui. Alors vous écoutez, je repensais à ce merveilleux passage de Roy Lévis dans « Pourquoi j'ai mangé mon père », où l'individu tente de domestiquer un cheval, mais c'est un hyparion, l'hyparion bien sûr, l'ancêtre tout à fait sauvage du cheval, il n'y arrivera pas. La génétique du cheval, on peut désormais, ou la paléogénétique, doit nous fournir d'importants résultats ? Oui, alors la paléogénétique permet d'aborder plusieurs questions. La première, c'est effectivement d'essayer de tracer l'origine et la période de la domestication du cheval, donc d'essayer de travailler sur le génome pour voir un peu d'où provient ce cheval domestique. Et puis aussi, et là c'est des travaux qui sont en cours et qui se lancent en ce moment, la génétique qui permet de travailler sur les populations de chevaux aux périodes anciennes, notamment à l'âge du bronze, notamment à l'âge du fer, pour essayer de déterminer dans quelle mesure les populations de l'Est asiatique, les populations de Haute-Asie, donc en Mongolie extérieure, les populations de l'Altaï ou d'Asie centrale, populations de chevaux, hein, s'entend, étaient différentes, se différenciaient, et quelle est la manière dont on pourrait éventuellement travailler sur le déplacement de ces populations à travers l'analyse génétique de ces animaux. Donc en fait, là on est devant des questions liées au déplacement des populations et à l'influence des populations entre elles dans le cadre de guerres, dans le cadre d'échanges commerciaux. Et donc voilà, l'analyse des populations anciennes est un aspect très important de l'analyse génétique. Et puis, un autre aspect pourrait concerner la description de la robe des chevaux, la description de l'extérieur des chevaux, où l'on a par exemple démontré récemment que les premiers chevaux domestiques n'étaient pas du tout marron, baie, c'est-à-dire la couleur du cheval sauvage tel qu'on peut le rencontrer dans la nature, le tarpan, mais étaient déjà tachetés, avaient déjà des robes particulières, et on s'aperçoit que les premières domestications, d'ailleurs, ont concerné des chevaux pommelés, des chevaux tachetés, et ça c'est grâce à l'analyse des gènes liés à la couleur de la robe qui permet de le démontrer. Comme le chien d'ailleurs, puisque le chien changera aussi de couleur une fois qu'il sera domestiqué. Absolument, on est là dans deux parallèles intéressants à souligner, qui est que non seulement l'animal évidemment, mais finalement comme les autres espèces, comme la vache, certains sont blanches, certains sont noirs, c'est-à-dire que la domestication a comme conséquence aussi l'augmentation de la variété des robes des animaux, au point que même certaines régions maintenant en France ou ailleurs dans le monde se caractérisent par la couleur de la robe de la vache, la couleur de la robe du cheval. Hein. Il suffit de regarder en Camargue, le taureau est noir, le cheval est blanc. En Bourgogne, on a l'inverse. Donc en fait, on arrive à caractériser un territoire à travers la robe de ces animaux. Transculture, le salon noir. Vincent Charpentier. Les archéologues semblent n'être pas du tout d'accord quand ils sont devant un squelette. Peut-il s'agir d'un cheval, d'un onagre ou d'un âne même? Visiblement, sur certains sites archéologiques, les sujets sont polémiques. Absolument, il faut savoir que la manière dont l'on peut travailler sur le cheval se fait par l'intermédiaire des ossements animaux qu'on retrouve. Alors si pour un spécialiste, un fémur de vache ne ressemble pas à un fémur de cheval. Il faut déjà être un petit peu plus compétent encore pour déterminer qu'un fragment de fémur de vache ne ressemble pas à un fragment de fémur de cheval. Et chez les équidés, le problème, c'est que les os se ressemblent. Les ossements, un fémur d'âne et un fémur de cheval, globalement, se ressemblent. Sans parler des hybrides, du croisement du cheval et de l'âne, que l'on retrouve aussi sur certains sites archéologiques. Sans parler des ânes sauvages, hein, les onagres, qui ont été chassés, qui ont été découpés, dont les os ont été brisés pour en récupérer la graisse et la moelle. Donc au bout du compte, sur les sites archéologiques, nous n'avons que des fragments de ces ossements-là. Et lorsqu'on est devant un fragment d'os, eh bien, on est quelquefois en peine de savoir si c'est de l'avage du chameau ou du cheval. Et lorsque l'on pense que c'est de l'équidé, on est en peine de savoir si c'est de l'âne, si c'est du mulet, si c'est du bardeau, si c'est de l'onagre, c'est-à-dire ces équidés sauvages ou domestiques qui vivaient en Eurasie. L'âne aurait pu être domestiqué peut-être plus tôt parce que justement plus facile à domestiquer. Oui, c'est tout à fait possible qu'il était probablement plus facile. D'abord, il court moins vite, quoique les ânes sauvages de Mongolie ne se laissent pas approcher facilement. Hein, mais là, si on parle de l'âne africain, effectivement, il a une éthologie qui fait qu'il est probablement plus facile à domestiquer. Ensuite, il peut s'agir aussi d'une volonté d'utiliser l'âne qui ne serait pas la même que celle du cheval. Peut-être finalement que l'âne a servi peut-être plus tôt que le cheval au transport des biens et des marchandises et des hommes, contrairement au cheval qui a probablement été domestiqué pour d'autres raisons. Sébastien Lepetz, vous avez publié, voici quelques temps, des chevaux tout à fait extraordinaires découverts à Bérel, un site absolument exceptionnel. Oui, c'était une mission franco-kazakhstanaise, hein, dirigée du côté français par Henri-Paul Frankfort, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a consisté à fouiller une tombe d'un prince scythe, ces fameux scythes qui peuplaient toute l'Eurasie, et qui avaient creusé à 2500 mètres d'altitude dans les montagnes de l'Altaï, hein, qui sont cette grande chaîne montagneuse qui se situe à cheval entre la Mongolie, le Kazakhstan, le nord de la Chine et le sud de la Fédération de Russie, une tombe qui était datée du 4e siècle avant Jésus-Christ, dans une partie du permafrost, hein, donc dans un terrain qui était gelé quasiment en permanence et qui n'avait très peu dégelé depuis 2500 ans. Et ce prince, qui avait été enterré dans un coffre monoxyle et puis dans une chambre funéraire, était accompagné de 13 chevaux. Qui avait la particularité d'être extrêmement bien conservé, puisque la chair était conservée, les muscles, les contenus stomacaux, le sang, les organes, et puis aussi tous les éléments de harnachement, tout l'équipement du cheval, les tapis de selle, les selles, les protocelles, des masques en cuir tels que l'on les connaît chez les peuplades scythes, qui consistaient à grimer le cheval en un autre animal. Autrement dit, les chevaux étaient grimés en bouquetin, ils avaient des cornes postiches de 80 cm de haut, en bois, plaqué d'or. Et donc, du coup, un bestiaire fantastique, des chevaux qui avaient été transformés en chevaux cornus, en quelque sorte. Hein. Les travaux qui ont été menés ont permis de bien caractériser, d'une part, cet équipement du cheval, hein, la manière dont ces animaux ont été enterrés avec les objets, mais aussi les caractéristiques physiques de ces chevaux. Les étriers, les selles, les éperons sont déjà arrivés au 4e siècle avant notre ère, dans ces régions-là ? Alors, les premiers tapis de selle, c'est le premier équipement du cheval qu'on arrive à suivre, avec les mors, hein, bien sûr, hein, qui permet de diriger le cheval. Il faut savoir que la domestication du cheval était associée à toute une série d'innovations concernant la monte, le tapis de selle, la selle qui est arrivée peut-être autour du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est un arceau de bois rembourré avec de la paille ou du crin de cheval. Et puis ensuite, les autres innovations, les étriers qui seraient apparus vers le 3e siècle de notre ère dans la partie nord-orientale de la Chine. C'est chez les Xianbe. On n'en a pas retrouvé parce que c'est des étriers en cuir, mais on a des représentations figurées de ces étriers. Et puis ensuite, bien sûr, les éperons autour du changement d'air du côté de l'Europe occidentale. Et puis les fers à cheval qui sont apparus autour du 10e siècle de notre ère, hein, du côté occidental de l'Eurasie, si on laisse aussi de côté d'autres innovations qui n'ont finalement là laissé peu de traces, comme les hipposandales par exemple, qui sont les ancêtres des fers à cheval, dont on retrouve de nombreux exemplaires dans des sites archéologiques d'époque antique par exemple, et qui ont été très utilisés à l'époque. Vos chevaux grimés en bouquetin et en ibex de Bérel, c'était des jeunes chevaux ou des vieilles carnes ? On s'est aperçu qu'en fait, il y avait des vieux animaux, mais aussi des jeunes animaux, des jeunes chevaux. Ça a permis de reformuler le questionnement concernant l'origine de ces chevaux, donc l'origine dans la tombe, puisque certaines hypothèses pendant un certain temps, notamment développées par les Russes ou certains Allemands, pensaient que finalement on abattait des animaux qui arrivaient en fin de vie. Et donc on devait surtout retrouver des vieux animaux qui étaient blessés, en quelque sorte l'abattage rituel au moment de la mise en terre de l'individu permettait aussi finalement en quelque sorte à peu de frais de se débarrasser d'animaux qui n'étaient plus utiles. Alors, l'analyse des pathologies des animaux a montré que finalement ces animaux étaient en parfaite santé, ils avaient très peu de pathologies, en tout cas ils n'avaient pas de pathologies handicapantes qui auraient expliqué le fait qu'on aurait abattu des animaux. L'analyse des parasites, puisqu'il y a une discipline, la paléoparasitologie, qui permet, justement parce que ces animaux ont été enterrés dans un permafrost, de récupérer les œufs de parasites qui auraient pu infecter ces animaux, ont montré qu'il n'y avait aucune parasitose infectieuse, en tout cas aucune maladie qui aurait rendu ces animaux impropres à l'usage. Et puis il y a aussi des jeunes animaux qui montrent à l'évidence qu'on n'est pas en face d'animaux abattus en fin de vie. Et les analyses que l'on a entamées et qui continuent à se pratiquer sur d'autres sites contemporains actuellement qu'on a fouillés ou qu'on est en train de fouiller du côté mongol de l'Altaï, donc à quelques centaines de kilomètres de Bérel, en employant et en utilisant les méthodes de la géochimie, permettent dans certaines conditions, et commence à indiquer que finalement on serait peut-être en face d'animaux qui n'appartiendraient pas à un seul troupeau, puisqu'ils n'auraient pas la même histoire alimentaire, ça c'est les analyses isotopiques qui le montrent, et donc du coup ne n'appartiendraient pas à l'individu qui a été enterré, mais appartiendraient à d'autres tribus, entre guillemets, dont les animaux seraient des dons, et Hérodote le décrit bien, puisque quand un prince Sith meurt, son corps fait le tour des différentes tribus, et les tribus amies font des dons au moment du passage du corps, et on peut imaginer que les chevaux font partie de ces dons que les tribus font à ce corps défunt. Dans cette société Sith, qu'on en appelle la culture de Pazirich, on a de nombreux chevaux sacrifiés. Oui, c'est une des caractéristiques de cette culture de Pazirik, qui s'étend du 6e avant au 3e avant, c'est que le cheval est omniprésent dans ces tombes. Il n'y a pas de tombe sans le sacrifice d'un, deux, trois, quatre chevaux, quelquefois 10, 13 chevaux, comme à Bérel. C'est une des caractéristiques de cette culture de Pazirik, qui est en fait, pour cette région du monde, n'est pas la première culture qui utilise des chevaux dans les pratiques funéraires, puisque lorsque l'on remonte à l'âge du bronze, par exemple, autour de 1500 ou 2000 ans plus tôt, dans cette même région de l'Altaï ou dans la partie centrale de la Mongolie, on a d'autres tombes, 1000 ans plus tôt ou 1800 ans plus tôt, qui présentent des traces de sacrifices de chevaux, notamment ces grands kérixours. Les kérixours, ce sont des grandes tombes de l'âge du bronze, caractérisées par une tombe centrale, une tombe humaine sous un tertre qui peut être important. Et puis autour de ce tertre central, il peut y avoir quelques structures périphériques sous la forme de petits tas de pierres ou de petits cercles de pierres. Et puis dans certains cas, notamment dans l'Arkhangai, une des régions de Mongolie, à Tsatsing-Ireg, où l'on fouille ce type de structure avec la mission monaco-mongole dirigée par Jérôme Maguel, on fouille une structure qui fait plusieurs hectares, puisque ces structures périphériques autour de cette tombe centrale sont de l'ordre de plus de 3000, donc on a retrouvé 3000 structures sous lesquelles est systématiquement enterrée une tête de cheval, et donc c'est véritablement des structures absolument phénoménales. Alors, des chevaux sacrifiés, il y en a bien eu d'autres, même tout récemment. J'ai souvenir d'être passé sur le chantier de Bar-le-Duc. Désormais, les résultats viennent de tomber. Des animaux sacrifiés jetés dans des fosses? Oui, visiblement à Bar-le-Duc, qui est un site finalement assez récent, puisqu'on pense qu'il date des années, en tout cas le fossé que l'on a retrouvé renferme des chevaux qui auraient été abattus dans les années 44-45. On se transporte 2000 ans plus tard. Ils ont été aussi sacrifiés parce que la quarantaine de chevaux qu'on a retrouvés dans ce fossé portent des traces d'abattage, des cavités dans le crâne qui montrent qu'ils ont été achevés à l'aide d'un coup de fusil ou d'un coup de revolver, et qui et peut-être mise en relation avec la fin de la guerre 45, un incendie qui aurait eu lieu dans cette zone et qui aurait été à l'origine de la mort de ces dizaines d'animaux qui ont été fouillés très récemment par l'INRAP, hein, et qui sont extrêmement intéressants parce que ça permet aussi d'alimenter ce corpus, d'alimenter cette base de données concernant la forme des animaux aux périodes récentes, puisque effectivement, finalement, on en est à mieux connaître les animaux d'il y a 2000 ans que les animaux d'il y a 100 ans ou 200 ans, puisque ces animaux-là ne sont pas dans nos collections et c'est rarement qu'on les fouille. Benoît Clavel, Sébastien Lepetz, du cheval, vous en mangez ? Chez ma grand-mère, j'en mangeais tous les mercredis. Et moi, j'en mange depuis que je travaille en Asie centrale, puisque c'est une viande qui est parfaitement consommée et de manière importante. Mais c'est sûr que ce n'est pas le cas partout, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. C'est une viande qui est très particulière et sa consommation est très particulière parce qu'il y a un aspect culturel très fort à sa consommation. Il y a un aspect culturel entre certains pays. On en mangera en France, on n'en mangera pas en Angleterre. On va en manger beaucoup en Mongolie, on ne va pas en manger dans certains pays. Mais même dans les pays où l'on en consomme, comme en France, finalement c'est très culturel. Il y a des familles qui en mangent habituellement, et puis les voisins de la même rue ne vont pas en consommer. Donc on a des traditions de type culturel concernant la viande de cheval qui est extrêmement forte et qui ne s'observe pas chez les autres espèces animales en fait. En tout cas, ce n'est pas un tabou, c'est juste éventuellement un interdit alimentaire, et de toute manière ça resterait la viande honteuse. Oui, absolument. Pour reprendre un terme de François Poplin, viande honteuse. Il faut savoir que l'histoire de l'hypophagie est une histoire qui est en même temps extrêmement intéressante et complexe, mais extrêmement intéressante puisque les sociétés anciennes de l'âge du bronze ou de l'âge du fer, nos ancêtres les Gaulois mangeaient du cheval de manière très très habituelle, et que, en revanche, la tradition grecque et romaine excluait complètement le cheval du sacrifice sanglant. Autrement dit, on ne mangeait pas de cheval en Grèce antique, ni à Rome. Et tout l'intérêt de cette différence entre la culture celtique et la culture romaine réside justement dans l'analyse des vestiges osseux qu'on retrouve sur les différents sites et qui permet de voir quel a été l'impact de l'influence romaine sur la société gauloise. Il faut savoir que l'alimentation, c'est quelque chose de très culturel. On mange ou pas des escargots. On ne s'aperçoit, par exemple, pour le monde romain, qu'en quelques dizaines d'années, eh bien, une société, une culture qui consommait habituellement du cheval, eh bien, va arrêter de consommer du cheval. Autrement dit, l'influence antique a été forte dans ce domaine. Benoît Clavel ? Je dirais à peu près la même chose que Sébastien. Ensuite, au Moyen-Âge, en fait, c'est pas forcément interdit, c'est plutôt une nourriture déviante et surtout, c'est plutôt une nourriture lors de famine ou lors de siège. On a des exemples écrits qui décrivent l'apprêtement de viande de cheval. On a aussi quelques cas qui consistait à finalement découper du cheval et le vendre au même titre que des bœufs. C'est le cas notamment d'un boucher à Saint-Quentin qui, au XVe siècle, a trouvé l'idée de découper du cheval avec le reste des animaux habituellement consommés, en l'associant aussi à du chien, pourquoi pas, et du chat. Donc en fait, on a aussi, avant l'heure, disons, inventé les lasagnes de cheval. En tout cas, c'est un fait. Sur l'exploitation de ces animaux qui sont les chevaux, les os aussi ont servi de matière première. On aménage dans des tibias de chevaux des écorsoirs, on aménage aussi dans des omoplates de chevaux des pelles, par exemple. Une découverte importante et intéressante qui a été faite au Louvre, c'est les rebuts de fabrication de perles de chapelet. On a en fait retrouvé la fosse d'un patenotrier, un facteur de chapelet. On aménageait aussi dans des olons comme les métapodes, les os des pieds, des patins à glace pour s'amuser ou alors transporter des marchandises sur des chariots munis de ce type de patins. On s'en servait aussi comme flotteur en fait, dans le nord de la France par exemple. Aujourd'hui, le cheval est devenu un animal d'agrément pour jeunes filles, proche presque de l'animal de compagnie. Il reste le tiercé. Voilà, il reste le tiercé. Le cheval a perdu une grande partie de l'usage qu'il avait depuis des millénaires, c'est-à-dire transporter, au moins dans nos sociétés occidentales, transporter les hommes, il le fait très peu. Au champ, finalement, il le fait très peu. Il y a quelques personnes qui l'utilisent encore, mais de manière très marginale. À part sur les champs de course, il n'est plus présent ailleurs dans les autres champs et devient un animal d'agrément. D'un animal domestique, il devient un animal de compagnie, presque, à l'image du chat, à l'image du chien. On regarde maintenant les cavaliers et les clubs d'équitation, on s'aperçoit que 90 ou 95% des cavaliers sont des cavalières, ce qui change notablement la place du cheval dans nos sociétés. Certains envisagent le fait que finalement, on puisse demander d'arrêter complètement d'utiliser le cheval dans les champs de course. Donc du coup, il y a une forte pression maintenant qui amène en fait à ce que le statut de l'animal ait complètement été bouleversé depuis finalement 30 ou 40 ans, depuis l'après-guerre. C'est là encore un animal pas comme les autres de ce point de vue-là. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierre Monteil et toujours avec la collaboration de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.